Erosmose, érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio. Bonsoir à tous, chers petits fripons, soyez les bienvenus sur Osmose Radio pour cette émission mensuelle consacrée à l'érotisme et à la sexualité. Vous êtes bien dans Erosmose, une émission ce soir, une émission juste avant le grand week-end de Noël et la trêve des confiseurs, donc une émission qui sera un petit peu de saison avec un thème de Noël abordé de différentes façons. Une émission ce soir avec un petit peu plus de testostérone et sans la douceur de Laurence qui est absente, qui a pris quelques vacances avec un petit peu d'avance. Blocage des gilets jaunes oblige. Par conséquent, eh bien, je me retrouve tout seul dans le studio, mais vous en faites pas, on va quand même faire grimper la température. On va commencer, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, avec un morceau, une reprise de Mariah Carey en fait, par un groupe rockabilly. Tout de suite, All I Want for Christmas is You. Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you will ever know. Make my wish come true. Oh baby, all I want for Christmas is tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, mon chaton. Ouh, ben dis donc. C'est plein de promesses. Moi, je supporte pas quand c'est Mariah Carey qui chante, mais dans cette reprise rockabilly par un groupe qui s'appelle tout simplement The Rocker Covers, eh bien, c'était plus sympathique, du moins à mon goût. Voilà, chers amis. Aujourd'hui, vendredi 21 décembre 2018, c'est une date un petit peu spéciale pour Erosmose, puisque l'émission a été créée il y a un an, presque jour pour jour. En fait, on avait créé cette émission à Osmose en discutant entre nous, entre différents animateurs de différentes émissions. Et on s'était aperçu qu'en fait, chacun de notre côté, on s'était dit, tiens, ce serait marrant de faire une émission consacrée à l'érotisme. Mais le truc, c'est qu'on n'avait jamais osé en parler aux collègues, quoi. Et puis un jour, les masques sont tombés, et puis on s'est aperçu qu'on était plusieurs à y penser. Voilà. Donc de fait, on s'est retrouvés, surtout Laurence et moi, à porter le projet. Et aujourd'hui, par la force des choses, je suis tout seul en studio, mais je tenais quand même à souligner cet aspect des choses, c'est que donc Erosmose a un an. Voilà, chers amis. Et encore quelques belles émissions devant nous jusqu'à la fin de la saison, soyez-en sûrs. Et je vous parlais de cet anniversaire d'Erosmose parce que la première émission qu'on avait fait justement était tombée aussi en décembre. Donc on avait fait un petit zoom sur les aspects de Noël consacrés à l'érotisme. Et j'étais allé faire une interview d'une boutique érotique d'Avignon, de la gérante d'une boutique érotique d'Avignon, que je ne nommerai pas, mais je vous renvoie vers les podcasts du site osmose-radio.fr pour en savoir un petit peu plus. Et donc, on avait parlé des jouets pour adultes, en quelque sorte, qu'on peut retrouver pendant la saison des fêtes et de tous les mœurs qu'il peut y avoir autour. Donc, ce soir, je vais pas faire une redite de ce que j'ai déjà fait l'an dernier, bien entendu. J'en parlerai quand même un petit peu pour reparler des tendances 2018. Mais je voulais tenir à souligner aussi cette étrange ironie qu'aujourd'hui, vendredi 21 décembre, l'émission tombe le jour international de l'orgasme. C'est une de ces journées à la con qui ont été créées par une association un petit peu obscure. Mais je trouve l'initiative quand même assez drôle et assez jolie. Et cette journée internationale de l'orgasme, en fait, a été créée il y a une douzaine d'années par des militants américains, enfin des militants pacifistes. Déjà, ça fait un peu oxymore comme façon de présenter les choses, mais bref. Et donc, ils s'étaient dit, leur postulat, c'était que, en fait, plus on faisait l'amour, moins on avait envie de faire la guerre, tout simplement. Cette bonne vieille idée hippie qui a quelques fondements, après tout. Par conséquent, ils tenaient à ce qu'on parle de sexualité et d'orgasme au moins une fois dans l'année. Et donc l'occasion de ce 21 décembre notamment. Eh bien, une qui parle si bien d'orgasme, et c'était à une époque où c'était pas forcément facile d'aborder le sujet, c'était dans les années 80, c'était ce fameux film « Quand Harry rencontre Sally ». Harry rencontre Sally, un film qui était sorti à la fin des années 1980, qui moi j'avais vu quand j'étais petit, que d'autres avaient vu aussi peut-être à l'époque et que certains redécouvriront, j'en suis sûr, parce qu'il a plutôt bien vieilli, et en fait qui était une comédie de mœurs américaine qui se passait à New York et dans lequel on avait Sally qui était interprétée par Meg Ryan, je crois, et Billy Crystal qui a incarné Harry. Et donc, lui était gentiment macho. Elle n'était pas une virago, mais face à un tel bonhomme qui avait des préjugés misogynes, eh bien, de temps en temps, elle s'énervait et parfois, comme souvent les dames savent si bien le faire, mais on ne leur pardonnera aisément, elle savait avoir le dernier mot, notamment dans un dialogue qui est resté d'anthologie et que je trouvais opportun, à tort ou à raison, de vous faire écouter lors de cette émission qui tombe la journée internationale de l'orgasme. Tout de suite, on écoute un extrait du film « Quand Harry rencontre Sally ». Comment tu fais avec les nanas? Tu te lèves et craques, tu t'en vas? Bien sûr. Explique-moi comment tu fais ça. Qu'est-ce que tu leur dis? Que j'ai une réunion de bonheur, une coiffeur, un squash. Tu veux pas de squash? L'ignore, tout nouveau, tout beau. C'est dégueulasse. Je sais, j'en suis pas fier. Je suis vraiment soulagée de ne pas être avec toi. Quand je pense que j'aurais pu être la petite minette que tu plantes bien tranquillement à 3h du matin pour aller nettoyer tes chenets. Et en plus, tu n'as même pas de cheminée. Mais ça, j'en aurais rien su. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Il ne s'agit pas de toi. Si, au contraire! Tu as un affront ambulant à toutes les femmes, et je suis une femme. Je dis pas que je pavoise, mais je n'ai enregistré aucune plainte. Bien sûr, à la vitesse où tu disparais. Je crois que les filles prennent leurs pieds. Qu'est-ce que t'en sais? Comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Je le sais. Parce qu'elle... Oui, parce qu'elle... Comment tu sais que vraiment, elle... Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Elle feindrait l'orgasme? C'est possible. Tu rigoles. Pourquoi? Presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. En tout cas, jamais avec moi. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que je le sais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'oubliais. Il y a un mec. Ça veut dire quoi, on peut savoir? Rien. Seulement, tous les mecs pensent jamais avec moi et presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. Alors, fais le bilan. Et tu crois que je ne le verrai pas? Non. Laisse-moi rigoler. Ça va bien? C'est bon, oui. Oui. Oh. Oh. Oh. Oh, mon Dieu. Oh. Oui, là, là, oui. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, mon corps. Oui. Oh, oui. Oui. Oh, oui. Oui. Oui. Oui. Oh. Oh. Oh. Oui. Oui. Oh, oui. Donnez-moi la même chose qu'elle. Ben on doit avoir un ordinateur un petit peu pudibond parce qu'il a eu quelques difficultés à lancer ce dialogue d'anthologie qui restera dans les annales, sans jeu de mots, du cinéma et que je tenais à vous faire écouter aujourd'hui, vendredi 21 décembre, puisque c'est la journée internationale de l'orgasme. Voilà. On dit parfois qu'une bonne image vaut mieux qu'un long discours. Là, en l'occurrence, une fois n'est pas coutume, c'est un peu l'inverse qui est vrai, puisque dans ce dialogue, on aura eu mieux que quelques images pour le coup. On va continuer à Alors, je disais que j'allais revenir sur les tendances au niveau des jeux pour adultes et les tendances de cette fin d'année 2018. Et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai observé sur les catalogues, dans les magasins, etc. Parce que oui, hein, je fais des investigations pour Erosmose et je vais dans les magasins, je vais dans tous ces lieux de débauche pour vous, chers amis, avec beaucoup d'abnégation et de manière totalement désintéressée. Je fais ça pour vous, chers amis. Je vais chercher tout ce qui est tendance dans les sextoys. Et du coup, j'ai repéré quelques trucs nazes, quelques trucs rigolos et quelques nouveautés aussi, a priori, pour cette année 2018. Alors qu'on a malgré tout les classiques qui sont indémodables et qui se vendent toujours aussi bien d'après les commerçants. Par exemple, le canard, hein, le petit canard que s'offrent les dames, qui reste toujours une valeur sûre. Il y a parmi les jeux de société, les jeux, le bon vieux Action Vérité en fait, en quelque sorte, mais plutôt en jeu de cartes ou en jeu de plateau. Ça aussi, ça marche toujours assez bien apparemment et donc ben, il y a des gages un petit peu coquins, etc. J'en citerai aucun en particulier, mais vous pouvez trouver de quoi faire. Il y a bien entendu, depuis quelques années, les objets connectés, notamment l'œuf vibrant que monsieur peut faire vibrer à bonne distance grâce à Internet. Et donc, ben, le slogan publicitaire, enfin en tout cas l'argument publicitaire pour vendre ce genre d'objet, c'est que madame peut être à Paris, monsieur à Pékin. Alors déjà, j'aime pas trop cette façon de présenter parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que monsieur qui travaille, qui se déplace pour le travail. Enfin bref. Donc, ils peuvent être d'un bout à l'autre de la planète et monsieur peut faire plaisir à madame en cliquant sur un bouton. Pourquoi pas ? Mais bon, ça peut être plus intéressant finalement d'être dans la même pièce pour voir ce que ça fait. Hein. Je dis ça, je dis rien. Si vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas aussi, vous pouvez lui offrir un cadeau pourri. Par exemple, le moule à gâteau en forme de pénis. Voilà, ça c'est pour les gens qui nous ennuient et pour leur faire un cadeau un peu pourri tout en se donnant bonne conscience parce qu'après tout on leur offre un cadeau. Une nouveauté aussi qui apparemment intrigue en cette fin d'année 2018, c'est le simulateur de cunnilingus. Alors on ne devinerait pas comme ça à quoi sert cet objet parce que ça ressemble à un petit ventilateur avec des petites pales en silicone. Il y a plusieurs vitesses qui sont réglables, ça se glisse dans une culotte et on peut se faire plaisir avec ça. Donc c'est censé créer, non seulement créer un léger courant d'air, mais en plus toucher le clitoris, l'effleurer, hein, parce que ce sont des petites pales en silicone assez souples et qui peuvent donc, en fonction de la vitesse que vous aurez réglée, faire plaisir autrement que le bon vieux vibromasseur qui existe depuis tant d'années. Donc voilà, un simulateur de cunnilingus, pourquoi pas, mais ça ressemble plutôt à un petit ventilateur de voiture, pour ce que j'en ai vu comme image. Voilà. Sinon, vous avez là encore, donc je disais, les objets connectés, et sinon, bah, vous avez au niveau des produits, les éternelles huiles de massage, bien entendu, ça fait toujours plaisir, les bougies parfumées, ce genre de choses. Et vous avez quelque chose qui, a priori, marche de mieux en mieux depuis quelques temps, ce sont les gels de massage léchables. Alors, on connaissait les sous-vêtements comestibles, pour ceux qui tenaient vraiment à bouffer leur partenaire au sens propre comme au sens figuré. Mais les gels de massage léchables marchent de plus en plus. Par exemple, ben, vous voulez faire un petit massage au café, comme dans la chanson de Gainsbourg, un couleur café, mais pour le coup, ça peut se vérifier aussi sous la couette. Et donc, vous pouvez lécher votre partenaire qui, grâce à ce gel notamment, et aux effets que vous lui procurez avec le massage que vous lui refaites avant, eh bien, vous pourrez conclure en beauté avec quelques petits coups de langue par-ci, par là. Voilà, enfin un produit qui m'intrigue, qui doit pas être très très top, génial au niveau du bilan écologique, mais c'est une espèce de poudre qui gélifie l'eau du bain. C'est-à-dire que vous êtes dans le bain avec votre dulciné et avec cette poudre, ben, l'eau a tendance à se solidifier, à devenir, avoir une consistance un peu gélifiée, et ce qui peut permettre ben, des possibilités de jeu a priori assez intrigantes et parfois même peut-être intéressante. Voici quelques-uns des objets qui marchent a priori dans les boutiques en cette fin d'année 2018 et ça, qui sait, en ce dernier week-end avant les achats de Noël qui aura lieu le lundi 24, ben ça peut vous donner encore quelques idées d'achat si le cœur vous en dit, chers amis, que ce soit pour faire marcher le petit commerce, les boutiques qui sont près de chez vous ou bien vous êtes un indécrottable internaute et vous faites tous vos achats sur les sites spécialisés ou peut-être parce que aussi vous êtes un peu timide. Là, pour ce qui est des sextoys, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile d'entrer dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui un sex shop, bien que la plupart des boutiques érotiques aujourd'hui ne soient pas forcément, n'aient pas ce côté glauque des sex shops d'antan. Eh bien, de toute manière, faites-vous plaisir si le cœur vous en dit. Mais je tiens quand même à rappeler cette devise que disait Maria Carré et donc le groupe de reprise qu'on écoutait tout à l'heure. Tout ce que je veux pour Noël, chérie, c'est toi. Hein, parce que ce qui vous câlinera et vous fera des léchouilles, des papouilles, voire autre chose encore mieux, c'est un amant ou une amoureuse plutôt qu'un objet aussi sophistiqué soit-il. Voilà, mais faites-vous plaisir tout seul, à deux ou bien à plusieurs si vous êtes un sportif confirmé. Voilà, on va continuons avec quelques notes de musique, chers amis, puisqu'on va parler du Père Noël aujourd'hui et de Noël en règle générale. Mais vous savez, ce garçon qui passe par la cheminée pour vous apporter des cadeaux, et bien justement, on va écouter une chanson du 16e siècle, « Ramonez-moi la cheminée ». Ramonez-moi ma cheminée, ramonez-moi ma cheminée, ramonez-la-moi, oh Eva, oh Eva, ramonez-la-moi, oh Eva. Sa cheminée, disait de chaleur forcenée. Mon ami, prenons nos ébats, prenons nos ébats, prenons nos ébats. Ramenez-moi ma cheminée, ramenez-moi ma cheminée, ramenez-la-moi au ébats. S'il n'est pas ramené, mon ami, mon ami, donnons du soula, donnons du soula, donnons du soula. Ramenez-moi ma cheminée, ramenez-moi ma cheminée, ramenez-la-moi, oh Eva, oh Eva, ramenez-la-moi, oh Eva, oh oh oh Eva. Thank you. Ramonez-moi la cheminée, ramonez-la-moi de haut en bas. Moi qui suis enfiévré par la chaleur du feu et autres joyeusetés, voilà. On n'a pas attendu le 18e siècle pour faire des chansons paillardes assez graveleuses. Hein. Déjà à l'époque de la Renaissance, à l'époque de François Ier, qui lui aussi était un roi de France assez entreprenant, hein, eh bien déjà à l'époque, on faisait des chansons un petit peu grivoises, mais avec les orchestrations de l'époque, bien entendu. Et là, on vient d'écouter l'ensemble Douce Mémoire, un ensemble de musique ancienne qui vient de Tours, je crois, donc un groupe musical français qui a eu à cœur de remettre au goût du jour, enfin en tout cas de réinterpréter ces chansons du patrimoine qu'on connaît assez mal, que moi-même j'ai découvert un petit peu par hasard et que j'avais envie de vous ramener ce soir, puisqu'on va parler de la cheminée qui est un petit peu à l'honneur en ces fêtes de Noël, qu'on en ait une ou qu'on n'en ait pas. Surtout, ça peut être utile de ramoner si vous avez l'intention de mettre une bûche dans l'âtre, hein, chers amis. Voilà. Alors ouais, j'avais envie de vous parler, puisque on est en période de Noël, j'avais envie de vous parler des origines de Noël. Mais comme on est dans Erosmos, eh bien je veux parler d'un aspect un petit peu inconnu ou méconnu de cette fête-là. C'est un peu les origines liées à la sexualité, au rite de fertilité que cette fête peut avoir. Alors, la plupart des éléments que je vais vous donner sont vrais, hein, sont authentifiés, mais par contre, l'interprétation que j'en fais n'engage que moi. Noël, le 25 décembre, ça n'a pas toujours été de soi. Pour nous, c'est évident parce qu'on vit dans une société qui a des racines chrétiennes, même si largement, cette fête, on est bien peu allé à la messe de minuit, et que de toute manière, c'est une fête qui a des origines païennes. Païennes, bah oui, parce que par exemple, c'était la fête celte de Yule, par exemple, le solstice d'hiver, et la fête qui intervient quelques jours après, pour les Celtes, c'est toujours le cas d'ailleurs en Écosse et en Irlande, et en France, à l'époque des Gallo-Romains, c'était aussi un petit peu ça. Ça existait toujours, eh bien c'était la fête de Yule, la fête du solstice d'hiver, l'époque où le soleil finalement commence à se surélever au-dessus de l'horizon et où les journées rallongent. Voilà. Tout ça, c'était dans l'Antiquité. Là, je parle des Celtes parce qu'on est en France dans une société qui a des racines celtiques, mais au Sénat aussi, surtout, et beaucoup des racines romaines. Et les Romains n'étaient pas indifférents à cet aspect-là des choses, notamment à l'époque de l'Empire romain, un culte qui était très, très célébré dans tout l'Empire, d'ailleurs, c'était le culte de Sol Invictus, le soleil invaincu. C'est un dieu, comme son nom l'indique, qui est solaire, qui est symbole de puissance virile, hein, ce qui a arrangé les empereurs d'ailleurs, parce qu'en se réappropriant ce culte-là, ils s'appropriaient eux-mêmes une partie du fantasme lié à la virilité et confortaient ainsi leur pouvoir en quelque sorte. Et ce culte de Sol Invictus lui-même avait des racines encore plus anciennes, en tout cas pour celles qu'on connaît, c'était le culte de Mithra, qui venait d'Asie en fait, puisque c'était un culte d'origine persane, ce qui correspond à l'Iran actuel. Et Mithra en fait était un dieu lié à cette date du 25 décembre, enfin qu'on appelle aujourd'hui le 25 décembre, et au solstice d'hiver, puisque c'est le moment où le soleil revient un petit peu en force en quelque sorte. Et il y a des cultes de virilité qui sont liés à ces cultes de Mithra, et ensuite chez nous, dans l'Empire, plutôt en Occident, dans l'Empire romain, à Sol Invictus, qui sont en fait peu ou prou une même divinité en quelque sorte. Il faut savoir aussi que dans les religions antiques, il n'y avait pas encore les trois religions du livre telles qu'on les connaît aujourd'hui, ces grands monothéismes, qui eux sont des religions révélées. Les religions antiques, avec différents cultes polythéistes, étaient pour beaucoup des religions avec des rites d'initiation, où il n'y avait pas forcément de vérité révélée, mais on pouvait accéder à certaines vérités par des rites d'initiation. Alors on pense au rite d'Éleusis, au mystère d'Éleusis dans la Grèce antique par exemple, qui étaient des cérémonies solennelles durant lesquelles on initiait les adolescents au rite de la nature et autour du culte de Déméter qui était la déesse des moissons notamment. Et ainsi en fait on initiait les jeunes gens à différentes choses, à différents aspects de la vie en fait. Et dans des sociétés qui étaient rurales à l'époque, eh bien, les rites les plus importants étaient liés à ceux non seulement de la nature mais de l'agriculture. Et vous comprenez mieux dans ce sens l'aspect que peut avoir le fait que les journées deviennent plus longues, c'est aussi la promesse d'un ensoleillement plus important pour que les champs puissent à nouveau être ensemencés. Et les champs puissent être ensemencés, je vous dis ça au sens propre comme au sens figuré. Par conséquent, eh bien, Yule chez les Celtes, alors les Saturnales à Rome, qui étaient les cultes liés à Saturne, le dieu du temps, qui eux aussi tombaient à la fin du mois de décembre. En tout cas, la calende, comme ils appelaient ça les Romains, la calende qui correspondait à décembre dans le calendrier grégorien d'aujourd'hui. Donc, je vous parlais à l'instant des rites de Mitra et des rites de Sol Invictus. Bref, vous l'aurez compris, cette fin du mois de décembre et ce solstice d'hiver avaient un aspect important dans les sociétés de l'époque. Mais quel est le rapport avec l'érotisme et la sexualité, allez-vous me dire ? Eh bien, justement, c'est que ces cultes, à mon humble avis, avaient apporté une part de symbolisme sexuel dans les rites d'initiation dont je vous parlais à l'instant. Par exemple, pour les rites d'initiation de Mitra, tels qu'ils avaient lieu en Asie mineure et au Moyen-Orient durant l'Antiquité, et que se sont ensuite réappropriés les Romains avec Sol Invictus, eh bien, on sacrifiait un taureau, animal viril s'il en est, hein, on sacrifiait un taureau et on aspergeait les postulants du sang de la bête qui avait été sacrifiée à l'instant. Pour, en quelque sorte, c'était le bucaque de l'époque, si j'ose dire. Et c'est ainsi qu'on les initiait, mais aussi on les faisait entrer dans une autre époque de leur vie, celle de l'avant, celle de l'après, donc de l'enfance et de l'âge adulte. Et donc le rite des initiations, pour parodier un petit peu ce que disait Denis Diderot à propos du libertinage, excusez-moi, c'est que ben avec le libertinage, on est dédommagé de la perte de son innocence par la perte de ses préjugés. C'est quelque chose qui peut aussi se retrouver dans les rites d'initiation de l'Antiquité grecque et romaine, avec un culte comme celui-ci, par exemple. Voilà. Et il y a un autre aspect qui m'intrigue aussi dans ces cultes d'initiation du début de l'Empire romain, c'est ce lié à l'arrivée du christianisme. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour nous, ça va de soi. On est dans une société qui a des racines chrétiennes et par conséquent, le 25 décembre, c'est forcément la naissance de Jésus. Mais ça n'a pas forcément été toujours comme ça. Dans les premiers siècles du christianisme, le problème pour l'église chrétienne, c'était de s'implanter et par conséquent de faire souche en fait dans la société romaine de l'époque. Et ce n'était pas gagné d'avance, parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait tous ces cultes orientaux qui étaient très très vivaces et très très populaires, bien plus que le christianisme. Et d'ailleurs, le christianisme lui-même était une religion orientale, hein, qui n'était pas forcément très bien vue par les vieux de la vieille de chez les Romains, qui eux pratiquaient toujours les cultes de leurs ancêtres, liés aux divinités romaines, Mars, Vénus, tout ça. Donc, ça n'a pas été forcément facile. En fait, ça a été par des syncrétismes religieux petit à petit que ça s'est imposé. Par exemple, quand l'Église romaine a eu besoin de convertir en quelque sorte ou d'attirer les fidèles des autres cultes, eh bien, elle a prétendu que le 25 décembre, c'était la naissance de Jésus. Coup de bol, ou curieuse coïncidence, c'était aussi la fête du Sol Invictus. Et par conséquent, les gens qui fêtaient ce dernier culte-là étaient plus enclins à rejoindre l'Église catholique romaine, l'Église chrétienne, à partir du moment où elle se réappropriait le culte de Sol Invictus, CQFD. Voilà, donc il y a cet aspect-là. C'était une manière de récupérer des fidèles et de digérer, en quelque sorte, sinon de phagocyter, des cultes qui existaient précédemment. Voilà, ça a été le génie en fait, des pères de l'Église romaine de créer cette entourloupe religieuse, en quelque sorte, si j'ose dire, et de faire en sorte de se trouver comme l'Église officielle. Ce qu'elle a fini par être, d'ailleurs, avec l'empereur Constantin, au début du IVe siècle. Et selon les dates, alors on trouve 320 ou 336. Toujours est-il que les évêques de Rome de l'époque, ou de Constantinople, enfin bref, les évêques de l'époque se sont mis d'accord pour faire tomber la naissance de Jésus le 25 décembre. Alors c'était soit en 320 après Jésus-Christ, soit en 336 que cette décision a été prise. Peu importe, c'était un moment où le christianisme était déjà religion officielle de l'Empire romain avec l'empereur Constantin. Et là, il y a un aspect important, c'est que c'est aussi une époque, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'avait pas forcément déterminé la naissance de Jésus. À l'époque, les évangiles n'avaient rien. Bien sûr, j'ai un collègue en fait qui est régisseur, Loïc, et qui est aussi à ses heures perdues étudiant en histoire antique. Il va nous donner quelques éclaircissements. Exactement, merci Stéphane. Il faut savoir que j'ai travaillé mon dossier de recherche de licence 2 sur le Sol Invictus à Rome. D'accord. C'est pour ça que je me permets de te couper. Ce serait a priori plus 336, puisque Constantin, en 321, met en place un édit qui stipule donc que le dimanche, c'est le jour du sol. Donc le christianisme n'est pas encore suffisamment implanté à Rome à ce moment-là pour que ce soit décidé dès 321. C'est l'édit de Milan, non ? Oui. D'accord, bah, qui a duré plus de 1000 ans d'ailleurs, si je peux me permettre ce jeu de mots. Merci Loïc pour cette précision. C'est vrai que c'était une époque un petit peu fondatrice et je poursuis mon raisonnement. Vous vous dites, mais pourquoi il nous précise tout ça? Quel est le rapport avec l'érotisme, la sexualité ou tout simplement les rites d'initiation dont il nous parlait précédemment? Eh bien, c'est que, chers amis, cette période du début du 4e siècle où enfin le christianisme avait réussi à devenir religion officielle de l'Empire romain et donc à s'imposer au détriment des autres, disons-le tout net. Eh bien, c'est aussi la période où elle a vu arriver quelques hérésies. Enfin, hérésie, c'est déjà un parti pris de dire ça. Disons, quelques manières d'interpréter autrement la religion chrétienne. Et ça, forcément, ça n'a pas plu aux évêques qui avaient réussi à se rapprocher du pouvoir. Et notamment, au IVe siècle, se développait ce qu'on a appelé une hérésie, en tout cas, une version différente de la religion chrétienne, qui était l'arianisme. Alors, arianisme, pas avec un Y, hein, comme la race arienne que citent tous les charlots. En fait, c'est l'arianisme, A-R-I-A-N, etc., qui venait d'un moine qui s'appelait Arius, qui avait en fait comme postulat que Jésus était un être humain. Et à l'époque, on ne s'était pas trop précisé, comme je vous le disais tout à l'heure, la date de naissance de Jésus. D'aucuns supposaient que ça devait être au printemps parce que les bergers, c'était plutôt l'époque où ils étaient le moins occupés, donc ils en profitaient pour s'occuper des gamins, etc. Et finalement, c'était jamais trop posé la question, quoi. Dans les écrits apocryphes, il n'y avait rien du tout. Les évangiles n'étaient pas très précis à ce niveau-là. Et puis, en même temps, les gens aussi s'en foutaient parce que ce n'était pas vraiment un problème. Pour eux, Jésus disait qu'il existait même avant Abraham et il existera après. Jésus était une divinité, donc c'était quelque chose d'intemporel. Par conséquent, on se foutait pas mal de savoir quand est-ce qu'il était né. Et au moment où arrive l'arianisme, eh bien, il y a des gens, notamment parmi les peuples barbares, barbares, les Goths, les Vandales, etc., tous ces peuples extra-romains, si j'ose dire, qui venaient juste d'arriver dans l'Empire et qui étaient christianisés de fraîche date, tous ces gens-là, finalement, avaient une conception plutôt terre-à-terre des choses, qui n'était pas forcément la conception éthérée des Grecs et des Romains. Et il y avait deux visions des choses qui s'affrontaient, en fait, et l'arianisme précisait que Jésus était un homme, qu'il avait des racines divines, mais qu'en fait, c'était un être... un homme comme vous et moi, comme surtout moi, et que par conséquent, pardonnez-moi de le résumer comme ça, mais la controverse à ce moment-là, dans l'Empire romain, c'était est-ce que Jésus avait une bite? Voilà, tout simplement, parce que s'il avait une bite, c'était un homme. C'était un homme, un être humain, qu'il était réellement mort sur la croix et qu'il était ressuscité, mais sous une forme spirituelle. Alors qu'il y avait un autre credo et qui a fini par s'imposer comme la version officielle, c'est que Jésus était un pur esprit et que par conséquent, il n'avait pas de sexe, il avait le physique d'un ange. Et donc, ça se voit aussi dans l'art de l'époque, ça. Si on voit des mosaïques d'Asie mineure qui datent de cette époque-là, on voit Jésus qui est baptisé dans le Jourdain et on voit qu'il a un linge au niveau de la taille. Et on voit en fait que dans les plis du linge, il y a une petite protubérance. Voilà. Et donc, ça, c'est une mosaïque qui a été faite par des gens qui pensaient que Jésus était un homme avant d'être un dieu. Et on a aussi des peintures de l'époque, là aussi, qui viennent d'autres endroits de l'Empire romain, où en fait, on voit que Jésus, il n'est pas très, très bien doté, si j'ose dire, par la nature. Et par conséquent, on en déduit que voilà, il y avait cet aspect-là. Voilà. Je ne vais pas en faire des tonnes sur cet aspect-là, mais vraiment, ça m'intrigue. Et donc, à mon avis, si la date de Noël a été fixée à une époque où l'arianisme commençait à mener la vie dure à l'Église romaine officielle, l'Église chrétienne romaine officielle, eh bien, c'est aussi pour court-circuiter ça. Et ce faisant, eh bien, les évêques de l'époque, l'Église de l'époque, faisaient d'une pierre deux coups, non seulement à s'approprier le prestige d'un culte précédent qui c'était le Sol Invictus, dans lequel donc il y avait tous ces rites liés à la fertilité et à la virilité. Je vous parlais du sacrifice du taureau tout à l'heure. Et aussi, elle permettait de contrecarrer cette volonté qu'avait une grande partie des chrétiens de considérer que finalement Jésus était un homme et que par conséquent il avait un sexe et que peut-être il s'en était servi avec Marie-Madeleine notamment. Et ça, ça donne lieu à d'autres débats. Voilà, chers amis. Donc, c'est à mon avis, l'Église à ce moment-là a fait d'une pierre deux coups, en quelque sorte. Mais la limite de mon raisonnement, ça j'en conviens tout à fait, c'est que les rites de fertilité, tout ça, c'est bien beau Stéphane, mais on en a surtout dans les Lupercales de la Saint-Valentin, on en a au niveau de la Chandeleur, on en a au niveau du feu de la Saint-Jean, tout ça aussi, ce sont des... y a un petit arrière-plan lié à la sexualité dans tout ça. Et je le reconnais volontiers, c'est clair que Noël, c'est pas forcément déjà la période de l'année est la plus sexy, hein, parce qu'il fait froid, la libido n'est pas forcément au top. Mais en plus, au niveau des rites de fertilité, il y a des moments bien plus importants, que ce soit dans les sociétés anciennes dont je viens de parler, ou que ce soit encore aujourd'hui. Hein. Notre année à nous est encore ponctuée peu ou prou de rites de ces anciens temps-là, auxquels s'ajoutent des choses plus récentes, comme Halloween, par exemple, dont je parlais l'autre jour. Voilà. Donc... je reconnais qu'effectivement tout ça existe. Néanmoins, comme on n'en parle jamais, eh bien, je tenais tout de même à souligner certains aspects liés à la sexualité des fêtes de Noël dont on a parlé à l'instant. Voilà, chers amis, eh bien, je vous parlais de Sol Invictus, je vous parlais de Mithra. Eh bien, on va écouter quelques notes de musique liées à une autre déesse qui venait d'Orient, une autre déesse antique qui avait eu son heure de gloire dans les cultes qui étaient célébrés dans l'Empire romain il y a bien, bien longtemps. C'était Ishtar, et tout de suite, on écoute Temple of Ishtar. From Ishtar, Temple of Ishtar. D'aucuns l'appellent la caverne des délices, d'autres l'appellent le jardin merveilleux, d'autres la grenade fendue. Les gynécologues disent simplement orifice vaginal. Bref, d'autres, aucun diront peut-être le temple d'Ishtar, qui était une déesse babylonienne, je crois, liée elle aussi à l'amour en quelque sorte. C'était une Vénus avant l'heure. Et là, à l'instant, on écoutait le groupe qui s'appelle Ishtar. Projet musical porté par une fille d'Auckland, en fait, Simone Whitlow. Projet de hard rock comme ça, qui donne plus de nouvelles depuis longtemps, mais j'avais envie de faire écouter ce morceau. Pour l'anecdote, Simone Whitlow, ça ne s'entend pas, mais en fait, c'est une transsexuelle. Voilà. Aujourd'hui, c'est une femme superbe, mais ça n'a pas toujours été le cas. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, chers amis. Vous êtes bien sur Osmose Radio, à l'écoute de Stéphane, de sa playlist et des thèmes de Noël qu'on aborde ce soir. Et dans votre émission consacrée à l'érotisme et à la sexualité, vous êtes bien dans Erosmose. Pour encore quelques minutes liées à la thématique de Noël, en ce mois de décembre et quelques jours avant les fêtes, je tenais à aborder dans cette émission, mais évidemment sous des aspects peut-être un petit peu plus primesautiers, comme je l'ai fait en début d'émission. Et là, qui dit Noël dit conte de Noël. Et si j'ai pas le talent de Laurence pour vous dénicher des textes un petit peu olé olé, eh bien j'ai quand même voulu me prêter au jeu. Et comme elle reviendra le mois prochain, elle vous fera ça mieux que moi. Néanmoins, je vous ai quand même dégoté un conte de Noël par Mixan, en fait, qui est un garçon qui tient un blog tout simplement sur Internet et qui a rédigé ce conte, conte de Noël érotique, bête et méchant, en hommage à Bukowski. Déjà pour vous donner l'ambiance, ça va être du sang, du foutre, une orgie et donc les oreilles chastes, je vous laisse un petit peu de temps pour débrancher si vous voulez, avant que je commence. Donc évidemment c'est en hommage à Bukowski, ça n'arrive pas à la cheville du maître bien entendu, mais tout de même j'avais trouvé ça pas sympathique parce que c'est pas le terme qui convient à ce genre de littérature, mais en attendant ça sortait un petit peu de l'ordinaire et je vais vous lire ça tout de suite. La fenêtre au flou contour de givre laissait filtrer des images d'un bonheur parfait. Des décorations de Noël, un arbre rempli de cadeaux, des lumières et des rires. Il devinait des odeurs rassurantes planer dans la cuisine. Il devinait, bien sûr, car il était trop loin pour sentir quoi que ce soit. Il n'entendait même pas les rires. Il voyait les visages s'illuminer, mais nul son ne traversait le jardin jusque dans la ruelle où il se tenait. Il était assis dans la pénombre et observait à travers le grillage du jardin ce bonheur auquel il n'était pas convié, auquel il n'avait plus accès. Lui, c'était le père de la petite fille qui riait dans les bras d'un autre, dans les bras de l'autre qu'il avait remplacé dans le lit conjugal. Il la voyait encore, bien sûr, régulièrement, mais il s'était reconstruit, il habitait pas loin, il la voyait souvent, mais pas ce soir. Il n'avait pas eu envie, pour le soir de Noël, qu'elle le passe dans son sordide appartement avec un vieil arbre moche et son père ivre. Il sortit sa flasque et but une longue rasade pendant qu'elle déballait ses cadeaux dans la vitre couverte de givre. Il ne savait pas trop pourquoi il avait marché jusqu'ici. Il avait eu besoin de sortir un peu, de se dégriser, d'entendre les rires à travers les fenêtres rouler dans les ruelles pendant qu'il passait sous un lampadaire. Et finalement, ses pas l'avaient porté jusqu'ici, dans ce tas de neige où son cul gelait pendant que sa fille riait. Elle avait l'air heureuse, c'est tout ce qui comptait. Après tout, elle n'y pouvait rien, elle, si sa mère ne l'aimait plus, si sa mère en aimait un autre, personne n'y pouvait rien. Chienne de vie. Il profitait un peu de cette intimité volée en somnolant dans la morsure de l'hiver. Elle lui mordait les fesses comme une vieille maîtresse fatigante. Il laissait faire, c'était assez plaisant. Soudain, au milieu de sa somnolence, une lumière inhabituelle attira son regard. Au début, il crut à un avion, mais c'était trop irrégulier comme vol. On aurait dit une luciole saoule, ce qui était plutôt étrange pour la saison. Ce qui ne veut pas dire qu'une luciole saoule soit moins étrange en été qu'en hiver, mais tout de même. La luciole saoule se rapprocha de lui et il distingua alors une forme au milieu d'une bulle, une forme humaine, semblait-il. Il se frotta les yeux. Il n'avait pourtant pas encore trop bu, la soirée était jeune. Pourtant, pas de doute, une grande blonde dans une robe bleue flottait au milieu de la ruelle. Elle portait des couettes, et ce qui ressemblait à une baguette magique, car oui, il semblait bien que ce soit une fée, aussi étrange que cela puisse paraître. « Bonjour, Hans. »« Salut. Qui ai-je l'honneur ?»« Je suis l'ange des désirs perdus. »« Ouais, bien sûr. »« Je suis venu pour toi en cette soirée de magie et de fête. Tu sembles en avoir besoin. »« Ouais, et tu n'as pas froid, habillé de même ?»« Je n'ai jamais froid. C'est pratique. Moi, j'ai le cul gelé. » Je suis là pour exaucer tes vœux ce soir. Habillé comme ça ? Oui, habillé comme ça, c'est un peu la tenue réglementaire. Ça ne me convient pas vraiment. Je peux peut-être changer quelque chose. Il réfléchit un instant, en buvant une gorgée. Merde, quitte à avoir une fée, fallait qu'elle en jette. Bon, déjà, tu enlèves ces couettes minables et cette robe de prof coincée. Tu mets un porte-jartel avec un joli déshabillé transparent laissant deviner tes mamelons. Puis, une jolie culotte rose transparente que je puisse voir tes poils noirs à travers. C'est précis, je veux bien, mais par contre, je suis blonde. C'est ce que je veux, blonde en haut, noire en bas. Elle soupira un peu. Puisque je suis là pour toi ce soir, qu'il en soit ainsi. Il observa le résultat satisfait. C'est mieux, maintenant lâche cette baguette ridicule et remplace-la par un fouet. Ah non, mieux, un gros pénis en verre noir. Comme cela ? Parfait, maintenant on peut parler. Il but une longue rasade. Que puis-je faire pour toi pendant cette... Rapproche-toi un peu. Ce n'est pas un vœu. Si, si, je veux que tu te rapproches. Tu dois avoir froid habillé comme ça. L'alcool commençait à le chauffer un peu et ses mamelons avaient l'air durs comme l'acier. Il commençait à bander solidement et elle commençait à s'agacer prodigieusement. Je suis là pour exaucer tes désirs, tu sais. Ouais, j'ai compris. Allez, viens par ici, je commence à avoir envie de te faire des tas de trucs. Écoute, tu te rends compte que je peux te faire retrouver ta vie d'avant ? Putain, mais je m'en fous de ma vie d'avant ! Je veux te baiser dans la neige et m'essuyer le foutre sur ta petite culotte rose. Mais je peux te faire retrouver cette vie que tu observes de loin. Mais pourquoi j'irais changer ça ? Ils ont l'air heureux, non ? Regarde ma fille comme elle rit. Je veux te baiser à quatre pattes comme une chienne. Il attrapa alors par la jambe gainée de soie la fée qui flottait connement à quelques pas de lui et la jeta dans le tas de neige. Elle ne sembla pas tellement s'en formaliser et continuait d'essayer de le convaincre. « Je peux te faire changer ton destin, qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Mais que valait le destin face à un joli cul ? Mon destin, c'est ce joli cul, bordel ! Le monde pouvait bien aller mal, se dit-il un instant. Le destin, encore une invention du gouvernement pour nous empêcher de baiser. » Sa voix l'excitait encore plus que son corps. Par contre, son destin le laissait de marbre. Il but encore une longue rasade et baissa fébrilement son pantalon pour laisser sortir son chibre turgescent. « Tu pourrais avoir ce que tu veux. C'est toi que je veux, ici et maintenant. » Il se jeta sur elle sans plus de formalité en l'embrassant à pleine bouche. Elle résista mollement un instant, mais pas tant que ça finalement. Il était presque déçu. Il lui empoigna un de ses seins si ronds et durs comme il le pressentait et son sexe se frotta sur sa culotte de soie faisant crisser ses poils pubiens. Avec deux doigts, il fit glisser la culotte de côté, dévoilant son sexe humide dans lequel il enfonça son gland. C'était glacial, si froid ! Elle ne se débattit même pas. Elle ne parlait plus. Il eut envie de l'étrangler un peu, pour pimenter un peu le tout. Ce qu'il fit en la ramonnant de plus belle. Lorsqu'il se lassa de cette position, il la retourna. Il lui arracha le gode des mains pour l'enfoncer à la place de son vide. Et laissa que il alla la planter dans son cul généreux. Il s'activa ainsi pendant quelques minutes. Sa main droite glissait sous son ventre, enfonçait ce gode dans son vagin, pendant qu'il s'enfonçait avec délices dans son cul glacial. Elle ne semblait pas s'en faire. Il continuait de sa main libre à l'étrangler un peu plus fort. Lorsqu'il déchargea à l'intérieur d'elle, elle ne bougeait plus depuis un moment. Il prit quelques minutes pour reprendre ses esprits, essuya son sexe sur son porte-jartel en soie, roula sur le côté dans la neige pour ranger son instrument et finit le reste de la flasque pour se réchauffer. Dans la maison qui fut autrefois la sienne, la famille qui n'était plus la sienne était passée à table. Il regarda le cadavre de fée qui gisait à ses côtés et se dit qu'il pourrait bien la ramener chez lui, après tout. Finalement, ce Noël ne serait pas si pire. Putain de destin ! Faudrait voir à pas envoyer des frais trop sexy si vous voulez changer le destin des pauvres gens, se dit-il en la traînant par une jambe. I saw mommy tickle Santa Claus. Amy Winehouse, I saw mommy kissing Santa Claus. J'ai vu maman embrasser le Père Noël, la coquine. Et à l'instant, c'était donc cette chanteuse qui nous a quitté il y a quelques années, Amy Winehouse. Et juste avant ça, on écoutait un conte de Noël, un peu lubrique, un peu glauque aussi. Hein. C'était normal. C'était un hommage à Bukowski par un auteur, Mick San, qui sévit sur Internet. On arrive à cette fin d'émission. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et avant cela, avant de conclure, en quelque sorte, je vais vous citer quelques brèves perçues dans l'actualité ou sur les réseaux sociaux par-ci, par-là. Et notamment, en ce mois de décembre, un petit peu agité au niveau social, ce sera aussi quelques brèves liées aux Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, j'avais cherché un petit peu pour voir s'il y avait eu des parodies sexy, etc. Parce que à chaque fois, soit l'industrie du porno se réapproprie les phénomènes sociaux ou culturels, ou soit des amateurs font ça. Et finalement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y a quelques meufs sur Internet qui s'amusent à poser en déshabillé juste avec un gilet jaune. Voilà, mais c'est tout à fait anecdotique. Et sinon, le truc à la rigueur le plus olé-olé que j'ai vu dans les manifs, bah, c'est un cortège de mariage qui avait été bloqué à un rond-point. Et au lieu de faire la gueule, en fait, ils sont montés sur les voitures. La mariée s'est mise à danser. Et les gilets jaunes qui bloquaient, en fait, ont mis la sono à fond et ils ont fait les chauffeurs de salle, etc. Et finalement, tout le monde faisait la lambada sur le rond-point, quoi. Ça aurait dû se faire à la salle des fêtes à côté de la mairie. Puis finalement, ça s'est fait sur un rond-point. Et les jeunes mariés se sont mariés quand même. Voilà, c'était assez olé olé. Pour le coup, c'était quand même assez marrant. On a vu bien plus triste pendant tout ce mois d'agitation. Un autre truc qui m'a intrigué pendant cette période, ça a été l'interdiction de la fessée. Et moi, je ne vous cache pas que ça me souciait. L'interdiction de la fessée, mais avec ma copine, on va s'embêter un peu. Du coup, est-ce que on va pouvoir continuer à le faire sous la couette ou ailleurs? Eh bien, donc j'ai vérifié sur Légifrance. Je suis allé voir l'article de loi qui a été modifié par le vote du 1er décembre, enfin, qui était aux alentours du 1er décembre. Et donc, c'est bien les châtiments corporels sur les enfants qui ont été interdits. Vous pourrez continuer à donner des fessées à votre épouse si le cœur vous en dit. Mais tout de même, je trouve ça assez ironique que le gouvernement n'ait rien de mieux à foutre que d'interdire la fessée au moment où il autorise les préfets et par conséquent la police à faire des châtiments corporels sur la population française, par contre. Ça, c'est faudrait un peu expliquer, puisque les violences ont été assez importantes. Alors, notamment, si il y en a parmi vous qui pratiquent l'éjaculation faciale, vous savez que le sperme ne peut pas sortir tellement fort que ça peut surprendre, voire faire un petit peu mal. Si on se le prend dans l'œil, eh bien, en tout cas, ça fait toujours moins mal qu'une flashball, puisqu'il y a beaucoup de personnes, des femmes, des vieux, des enfants, les flics ne font pas de différence. Comme disait un caricaturiste du 19e siècle, les généraux, femmes, vieillards, enfants, rien ne leur résiste, ils exterminent tout le monde. Là, c'était un petit peu pareil, puisqu'il y a eu quand même pas mal de gens éborgnés ou aux joues arrachées, etc. Donc, à la rigueur, c'est quand même plus sympathique une éjaculation faciale plutôt qu'un tir de flashball. Mais bon, un autre aspect des violences policières qui ont eu lieu au moment où le gouvernement interdisait la fessée, c'était aussi les canons à eau. Et ça, par contre, c'est Le Parisien, je crois, qui a révélé que la composition des produits chimiques utilisés dans les canons à eau, qui ne sont pas du tout les mêmes produits chimiques que ceux qu'utilisent les pompiers, puisque le but est différent, et bien là, en l'occurrence, on retrouvait notamment des débris animaux et des selles d'animaux qui venaient en fait des abattoirs, tout simplement. Donc, en gros, quand vous faites asperger par les keufs par un canon à eau, c'est pas simplement de la flotte. Les manifestants étaient assez surpris, et a priori, c'était une nouveauté de cette fin novembre, début décembre, ont été assez surpris de l'odeur pestilentielle qu'il y avait sur leurs vêtements. Et en fait, c'est simplement que les flics avaient mis de la merde de porc et de vache, grosso merdo, pour résumer ainsi, dans l'eau qui a été utilisée dans les canons. Donc voilà, là encore, ce n'était pas une pratique très olé olé. Amateurs de scatophilie, éventuellement, vous serez ravis, mais les autres, vous allez vous en défendre sans doute. Par contre, la FNSEA, qui en général, les syndicats tenant d'une agriculture productiviste et polluante, ne sont pas forcément les gens plus sympathiques de ce pays, mais quand même, ils m'ont bien fait rire avec la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont rejoint les manifs, il y a une dizaine de jours, je crois, eh bien, les militants de la FNSEA ont balancé du lisier de porc sur les flics, voilà. Ils balançaient ça avec leurs tracteurs et leurs outils et leurs machines. Et du coup, les CRS en face, qui n'ont pas répliqué, se sont pris des tombeaux de merde sur la gueule. Donc là encore, pour les amateurs de scatophilie, au sens propre comme au sens figuré, sauront en rire, je suppose. Voilà. Sinon, un autre aspect, là, j'ai envie de finir avec quelque chose d'un petit peu plus festif, puisqu'on est à la période des fêtes, après ces brèves un petit peu tristounettes. et encore, je vous passe tout ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est un film que j'ai revu il n'y a pas très très longtemps, c'est Deadpool, où il y a Wade, le personnage principal, qui dit à sa copine, avant de lui faire une gâterie, « Disons mon amour, si ta jambe gauche c'est Noël et que ta jambe droite c'est la Saint-Sylvestre, est-ce que je peux te visiter entre les fêtes ?» Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est tout le genre de malheur que je vous souhaite en cette période festive, avec la trêve des confiseurs. Les programmes d'osmose, eux aussi, s'arrêtent pendant quelques temps pour mieux revenir vaillant et gaillard en 2019 au mois de janvier. Moi, je vous donne rendez-vous sans doute à la fin janvier ou début janvier, on verra bien, avec Laurence qui reviendra dans cette émission pour y apporter un peu sa touche féminine, sa touche littéraire et un peu plus de sérieux tout de même. Et moi, chers amis, ben, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Aimez-vous avec des gros bisous ou avec des trucs un peu plus nombreux. Si les apôtres étaient 13 à table, eh bien, dites-vous que pour un gangbang, par exemple, une partouze, il vaut mieux être un nombre pair. Sinon, il y en a un qui va être obligé de faire double emploi. Mais ça, ça peut être aussi un challenge intéressant pour ceux qui le souhaitent. Et toujours est-il que moi, en cette fin d'année, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de faire bombance, hein, même si les finances ne sont pas forcément au bout fixe. Que les plaisirs de la table et les plaisirs de la chair, ça, les plaisirs de la bonne chair aussi, que vous sachiez allier les deux. Voilà. Et pour votre Saint-Sylvestre, eh bien, je ne sais pas, vous allez peut-être faire une soirée disco ou autre chose. Je ne sais pas, faites-vous plaisir en tous les cas. Et si vous faites une soirée disco, ben, histoire de se mettre en ambiance, je vous propose de conclure cette émission avec un morceau de Donna Summer, qui, avant d'être devenir une bigote de Newborn Christian, a été une femme superbe et libre, et avec un de ses morceaux emblématiques, I Feel Love. Moi, je vous souhaite de sentir beaucoup d'amour. Non, un petit peu plus bas. Non, un petit peu plus bas. Voilà. Allez, chers amis, bonne soirée, bon week-end, bonne fête et à bientôt.